sans prendre de risques. Fini les supplices, les mots, les claques. Sans ôter maîtresse, sans la moindre arnaque. Fini les flashbacks, les mots qui blessent. Je tire ma révérence, ne me cherche pas. Je reste là. Je reste là. Je tire ma révérence. Ne m'appelle pas. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je tire ma révérence. Ne me cherche pas. J'en reste là. Je tire.